Oui, c'est vrai, on vous voit pas sur MSN. Moi, ça, je vous ai cherché sur MSN. Je vous ai cherché sur Skype, mais Skype, ça marche pas. Je vous ai perdu. Mais si, Benji, il pleure pas. Moi, sur Skype, là, ça a l'air de marcher et j'ai repris les dialogues sur MSN. Moi, j'arrive à dialoguer avec les contacts que j'ai sur MSN, c'est-à-dire ex-MSN, je les retrouve sur Skype. Et donc là, maintenant, on peut faire de la vidéo. Et comme je disais à Phil, je vais me lancer à faire des cours de guitare en vidéo. Comme ça, je pourrais vous montrer des plans. Parce que là, au moins, ça sera en live, contrairement à Nimbot ou sa merde, là. Bon, par contre, on pourra pas jouer à 50, mais à deux, en conversation, ça permet de travailler à deux, quoi. Parce que t'en penses, Benji. Bah, j'ai vu que tu étais sur Skype là. Bonne idée. J'ai écrit parce que ça va plus vite. Apparemment, oui, je t'ai vu aussi sur Skype. Thank you. C'est ça, Benji, t'as la basse. Alors, soit on fait tourner, soit on fait tourner cette partie de basse, on peut s'amuser là-dessus. We'll be right back. Thank you. Yeah. pas si j'appelle. Ben oui, je sature, hein. Attends, c'est quand je gratte un peu fort, ça monte dans le haut. Putain. Encore. Thank you. la pourrir tout en sortant, mec. Défile. The Tory don't you ever come along here. The Tory. Moi je suis prêt. Disappear. The fire and their eyes and the water really clear. Just beat it, just beat it. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blues, don't be the macho man. You wanna be fun, better do what you can. So beat it, that you wanna be bad. Beat it. No one wants to be the same. Showing thanks to you. Doesn't matter who you are. Just beat it. Yeah. français, c'est nul à chier. Bonsoir, je m'appelle Michael Jackson, c'est formidable.